pour payer pour un avocat pour vous défendre à cause d'une histoire de vice cachée de maison. Ouais, puis là, ben nous, ben, elle a une entreprise, cette femme-là, et puis sa compagnie d'assurance en dommages a décidé de la baquer. Fait que là, nous, on se retrouve devant un gros monstre qui a full cash. Ben oui. Compagnie d'assurance, c'est milliardaire. Là. Exactement. Puis là, nous autres, on s'est fait dire, ben garde, elle a tout, sa compagnie d'assurance a décidé de tout payer. Fait que là, maintenant, battez-vous, mais... L'inéquité. Oui, la justice, là, c'est pour les riches puis les BS. Nous, la classe sociale, dans le milieu, là, on a aucun moyen. Là, je vais vous reprendre, parce que là, vous savez que les lobbies d'asile sociaux nous écoutent, là. Fait que là, ils vont dire, ouais, Morel, il a pas arrêté la madame. C'est un gros préjugé. On vous arrête, là. Vous êtes une méchante parce que vous avez dit. Ok, je suis une méchante. Bon. Non, les asile sociaux. Merci. On se gratuit. Et puis, les riches, eux autres, ils ont les moyens. Puis, les crosseurs, ben, eux autres, sont protégés par la justice parce que ceux qui crossent, ben, ils ont pas les moyens de les poursuivre. Non, ça, c'est pathétique. C'est pathétique. Alors, nous, ben, notre but, dans le fond, c'est, OK, on est en train de, peut-être, on est en train de perdre beaucoup, beaucoup d'argent, mais on se dit, on est-tu pour arrêter là, puis qu'un crosseur s'en sorte encore une fois?